Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Notes explicatives, note 6. Claude Desmarais. Champlain parle souvent, dans les récits de ses voyages, d'un nommé Desmarais, gendre de Dupont. Ce Desmarais s'appelait Claude de Godette. La famille Godette habitait Chambois, canton de Trun, arrondissement d'Argentan, Orne, au commencement du 16e siècle. On lui reconnaissait plusieurs branches. En 1592, le chef de la branche de Chambois était Cléophas Godette, avocat, sieur Desmarais. Il eut trois fils, Claude, Jean et Jessé. Jean portait le titre de sieur du parc et Jessé était curé de Chambois en 1634. Claude et Jean vinrent tous deux en Canada et Champlain ne les désigne pas autrement que sous les noms de Desmarais et du parc, gentilshommes de Normandie. Claude Desmarais avait épousé vers 1615 Jeanne Gravé, fille unique du sieur Dupont et de Christine Martin. Claude eut deux enfants, un garçon nommé François, comme son grand-père, et une fille, Christine, du nom de son aïeul. Donc, Claude Desmarais, gendre du capitaine Gravé, n'eut pas de difficulté à se laisser entraîner au Canada par son grand-père, dont la vie se passa à voyager d'un continent à l'autre, à côté de Pierre de Chauvin, de Pierre Dugast et de Champlain. Pendant 30 ans, ce brave marin explora toutes les rives de l'Acadie et du Saint-Laurent, laissant partout où il passa de bons souvenirs et emportant avec lui dans la tombe l'amitié du fondateur de Québec. Son gendre Desmarais et son fils Robert suivirent les traces de leurs parents, mais dans des directions opposées. Tandis que ce dernier tentait la fortune en Acadie et dans les îles orientales, l'autre ne venait qu'au Canada, plutôt pour rendre service au vieux père de sa femme que pour s'y enrichir soi-même. Son premier passage à Québec date de l'année 1609. Il arrivait à Québec le 5 juin, dans une chaloupe de Tadoussac. « Le 5 juin, écrit Champlain, arriva une chaloupe à notre habitation, où estoit le sieur Desmarais, gendre du pont Gravé, qui nous apportait nouvelle que son beau-père estoit arrivé le 28 mai. » Champlain lui laisse la charge de l'habitation de Québec pendant qu'il va reconnaître le nouvel arrivant. Quelques jours plus tard, Champlain partait pour le pays des Iroquois avec Desmarais, le pilote La Route et neuf hommes. Quand le parti fut rendu au rapide de Chambly, Champlain engagea Desmarais à redescendre à Québec et alla à la rencontre de son beau-père qui devait le ramener en France. Desmarais revint à Québec l'année suivante, qui fut célèbre par l'affluence des marchands de traite. Année non moins remarquable encore par l'immense fiasco qui résulta de cette course aux fourrures, sans précédent dans les annales du commerce français avec les aborigènes. Aussi est-il intéressant d'assister aux nombreux préparatifs qui se firent durant l'hiver de 1610 parmi les armateurs de Normandie pour aller à la pêche des morues et à la chasse aux pelleteries. Claude Desmarais ne fut pas étranger à ce mouvement extraordinaire qui se comprend d'autant mieux que Québec venant d'être fondé, les rives du Saint-Laurent offraient plus de sûreté aux marins. Le 17 janvier, il prêtait de l'argent pour subvenir aux dépenses des apprêtements. De Honfleur partirent cette année-là pour le Canada 16 vaisseaux dont suivent les noms et ceux de leurs conducteurs, maîtres ou capitaines. Le Dauphin, Pierre Gadois. Le Don de Dieu, Henri Couillard. Le Loyal, Guillaume Duglas, maître, François Gravé, capitaine et Jehanne Routier, pilote. La Petite Lanterne, Guillaume Cordier Duvalin. L'Aigle, Jehanne Le Cordier. Le Croissant, Pierre de Louze. Le Dion, Pierre Letellier. Le Cerf-Volant, Guillaume Dière. Le Don de Dieu, Jeufin Coquin. Le Pierre, Pierre Aubert. L'Admiral, Emmanuel Lecoq. Le François, Pierre de Boulay. Le Bienheureux, Pierre Lampérière. Le François, Guillaume des Îles. La Nativité, Guillaume Le Têtu. Le Don de Dieu, Guillaume Canané. Comme on le voit, trois de ces vaisseaux portaient le nom de Don de Dieu. Le plus considérable était celui dont Henri Couillard était le maître et qui avait appartenu à Pierre de Chauvin. Il jaugeait 120 tonneaux. C'est le même qui avait transporté de Mont, Gravé et Chauvin lors de leur voyage à Tadoussac en 1600. Desmarais revint-il à Québec après 1610? Champlain note son arrivée en 1620 comme suit. Le 2 juillet, arriva au canot où estoyt Étienne Brûlé, truchement avec Desmarais, qui nous apportait nouvelle qu'il estoyt arrivé. Il n'en resta à Québec qu'une nuit, passant plus outre, pour advertir les sauvages et aller au-devant d'eux pour les hâster de venir. Le but de ce voyage précipité était d'avertir les sauvages de l'arrivée des navires de traite. S'il suivit Brûlé, il dut se rendre jusqu'au saut de la Chaudière sur la rivière des Outaouais, allant à la recherche des Algonquins et des Hurons, qui avaient promis à Champlain de descendre avec des chargements de fourrures pour les troquer avec les Français au cap de la Victoire. À partir de 1620, Desmarais semble avoir dit adieu à la Nouvelle-France. L'année suivante, il portait le titre pompeux de « capitaine pour le service du roi en la côte de Touques », autrement dit « capitaine garde-côte ». Nous perdons ses traces en 1623, et au mois de juin 1627, Jeanne Gravé, sa femme, était veuve et tutrice de ses enfants. François, âgé seulement de 11 ans à cette époque, suivit son grand-père au Canada et demeura à ses côtés jusqu'à la prise de Québec par les Kirkes. Plus tard, devenu officier au régiment d'Angiens, il s'allia à la famille des Salviati, une des plus illustres maisons de Florence. Il épousa, en 1645, Marie de Lamarque, fille naturelle de Louis de Lamarque, marquis de Mauny, premier écuyer de la reine Anne d'Autriche, gouverneur de Caen, en 1620. François de Godette Desmarais fut tué au combat de la Porte Saint-Antoine le 2 juillet 1652. De son mariage avec Marie de Lamarque, naquit en 1647, Paul de Godette Desmarais, qui fut l'un des directeurs de la maison de Saint-Cyr, le confesseur de Madame de Maintenon et devint évêque de Chartres. Ce prélat, loué par Saint-Simon, était le petit-fils de Jeanne Gravé et l'arrière-petit-fils de François Gravé, sieur du pont, le compagnon de Champlain à Port-Royal et sur les rives du Grand Fleuve, et partout son fidèle allié, dans la mauvaise comme de la bonne fortune. Notes explicatives, note 7, Pierre de Chauvin, sieur de la pierre. Il y avait à la fin du 16e siècle, dans la Haute-Normandie, plusieurs familles qui portaient le nom de Chauvin. Les terres et les seigneuries dont elles étaient propriétaires peuvent seules nous les faire distinguer aujourd'hui. Plusieurs d'entre elles brillaient au premier rang de la bourgeoisie normande. Nous constatons l'existence des Chauvin, sieurs de Tontuy, et des Chauvin, sieurs de la pierre. Deux des membres de ces familles liées les unes aux autres par la parenté, sont bien connus au Canada, ou méritent de l'être, par la part qu'ils ont prise au premier mouvement de colonisation dans la Nouvelle-France. Pierre de Chauvin, sieur de Tontuy, est celui qui édifia à Tadoussac un simulacre d'habitation, laquelle portait dans son germe des éléments de destruction inévitable. Cet armateur, auquel nous ne devons guère de reconnaissance, aurait pu implanter le nom français sur nos rivages si, au lieu de chercher la fortune qui ne venait pas assez vite là-bas pour lui permettre de dorer à neuf les lambris de son château de Honfleur, il eut rempli la promesse qu'il avait faite de conduire en Canada les 500 colons promis en échange des lettres patentes royales. Mais ce n'est pas le sieur de Tontuy qui doit nous occuper maintenant, mais un autre Chauvin, que Champlain appelle ordinairement le capitaine Pierre, ne nous faisant connaître son nom de famille qu'une seule fois lorsqu'il dit « le capitaine Pierre Chauvin ». Son nom véritable était Pierre de Chauvin, sieur de la pierre. Chauvin connaissait la Nouvelle-France pour l'avoir visitée en 1603 en qualité de marin sur le navire La Bonne Renommée dont Pontgravé était capitaine. Champlain vint à Tadoussac avec eux et il remonta le Saint-Laurent jusqu'au saut Saint-Louis. Chauvin vint au Canada en 1608 sur la Levrette de 40 tonneaux qu'il avait acheté l'année précédente de François Berthelot, en société avec Nicolas Tuvache et Jacques Lelièvre. Deux autres vaisseaux furent équipés cette année-là, à Honfleur, en destination pour Québec. L'un était le Lévrier, capitaine Nicolas Marion, et l'autre, le don de Dieu, capitaine Henri Couillard. Chauvin vint à Québec l'année suivante, 1609, et il y passa l'hiver de 1609-1610. Nous résolûmes, dit Champlain, d'y laisser un honnête homme appelé le capitaine Pierre Chauvin de Dieppe pour commander à Québec. Quand Champlain revint à Québec en 1610, le capitaine Chauvin était à son poste avec les Français demeurés avec lui. Le sieur de la Pierre retourna en France vers la fin de l'été, en même temps que Champlain, qui se fit remplacer à la tête de la colonie par Jean Godette, sieur du parc. Il revint au Canada l'année suivante sur un navire de traite appartenant à Isaac Martel. En 1612, le capitaine Pierre entreprit le voyage du Brésil sur la Perle de 120 tonneaux, capitaine Charles Bougard, sieur de la Barbotière, pilote Pierre Leclerc de Dieppe. Le bourgeois s'appelait Charles de Thieuville, sieur de Houssaye. Ce fut cette année-là même que Daniel de la Raverdière et François d'Arazilly organisèrent une expédition pour l'Amérique du Sud dans le but de coloniser le Brésil, qu'on appelait la France équinoxiale. On allait d'abord en Guinée y traiter du bois d'ébène, que l'on troquait ensuite pour le bois de teinture du Brésil. Les archives de tabellionnage de Honfleur en parlent à diverses reprises, assez pour nous faire connaître quelques particularités de sa vie de marin et certaines affaires de famille. C'est là que nous avons pu retracer son voyage au Canada, en 1603, sur la Bonne Renommée, par un acte du 18 février, en vertu duquel il reconnaît que François Andrieux lui a payé et fourni la somme de 36 livres tournois, à profit à 30%, pour lui subvenir, saison présente, faire le voyage de Canada dans le navire duquel est capitaine François Gravé, sieur du pont. Durant l'hiver de 1608, autre emprunt de Pierre de Saussé, sieur de Sienne, qui avait épousé Marie de Brinon, veuve de Pierre de Chauvin, sieur de Tonsui. Le 26 mars 1608, le capitaine Pierre donna quittance à Madeleine Chauvin, veuve de Jehan Plastrier de Dieppe, de tout le bien et revenu appartenant au dit de Chauvin, qu'elle avait perçu des héritages à celui Chauvin, etc. En 1611, Chauvin contracte encore un emprunt pour venir faire la traite en Canada sur le navire d'Isaac Martel. Dans le mois de décembre de la même année, nouvel emprunt pour son voyage au Brésil de la somme de 33 livres. L'acte l'appelle « Capitaine en la marine ». Voilà tout ce que nous connaissons de cet honnête marin. Le frère Sagard n'en parle point et Champlain ne le mentionne plus après l'année 1610. Il était originaire de Dieppe, mais après la mort de ses parents, le sieur de Tonsui, il vint se fixer à Honfleur. Notes explicatives, note 8, Jean de Godette, sieur du parc. Jean de Godette, sieur du parc, était le deuxième fils de Cléophas de Godette, sieur des Marais, et le frère de Claude. Cette famille était d'extraction nobiliaire. Les armes des Godette étaient de gueules aux trois gobelets d'argent, 2 et 1. Du parc s'établit à Saint-Germain de Clairefeuille, canton de Merleau, arrondissement d'Argentan, Orne, non loin des Cherbois, en épousant une riche héritière, Marie Guérini, fille de Laurent Guérini, sieur de Recouvray. Mais, avant de vivre tranquillement au milieu de sa famille, Jean de Godette, sieur du parc, passa au Canada en même temps que son frère aîné en l'année 1609. Il y demeura même pendant l'hiver suivant, alors que le capitaine Pierre de Chauvin, sieur de la Pierre, tenait les rênes du commandement en l'absence de Champlain. Dans les premiers temps de la colonie, le fondateur de Québec partait le plus souvent vers la fin de l'été pour la France, où l'appelait les affaires du pays, qui n'étaient pas brillantes. Désireux d'améliorer cet état de choses, Champlain s'adressait à ses amis, aux grands de la cour et à tous ceux qu'il croyait pouvoir intéresser au sort de la Nouvelle-France. Quoique peu nombreuse, la petite colonie de Québec avait besoin d'un chef et Champlain le choisissait parmi ses officiers les plus recommandables. C'est ainsi qu'en 1609, il avait investi Chauvin de son autorité et que l'année suivante, il mit du parc à la tête de l'habitation. Laissons-le parler lui-même. Pontgravé et moi, nous nous embarquâmes chacun dans une barque et laissâmes le dit capitaine Pierre au vaisseau, en rade à Tadoussac, et emmenâmes le parc à Québec, où nous parachevâmes de mettre ordre à ce qui restait de l'habitation. Après que toutes choses furent en bon état, nous résolûmes que le dit du parc, qui avait hiverné avec le capitaine Pierre, y demeurât de rechet, et que le capitaine Pierre reviendrait aussi en France pour quelques affaires qu'il y avoit, il y appelloit. Nous laissâmes donc le dit du parc pour y commander avec 16 hommes, auxquels nous fîmes une remontrance, de vivre tous chargement dans la crainte de Dieu, et avec toute l'obéissance qu'ils devoient porter au dit du parc, qu'on leur laissoit pour chef et conducteur, comme si l'un de nous y demeurât. À son retour de France en 1611, Champlain retrouva du parc et les hivernants en bonne santé. La chasse et le gibier ne leur manqua aucunement en tout leur gouvernement, à ce qu'ils disent. À propos de chasse, il n'est peut-être pas sans intérêt de mentionner que Duparc était un très habile Nemrod. Au cours d'un voyage qu'il fit au Sault Saint-Louis, à l'époque de la traite, il rapporta, dans une seule expédition, 9 cerfs et une telle quantité de tourtres qu'impossible estoie de plus, s'écrit Champlain. Duparc séjourna plusieurs années au Canada. En 1616, il commandait de nouveau au fort de Québec pour le service du roi et le bien des marchands de l'association. De retour en France, Jean de Godette, sieur du parc, vécut à Saint-Germain-de-Clairefeuille et il y finit ses jours le 16 novembre 1652. Notes explicatives, note 9, les voyages du sieur de Champlain-Saint-Ongeois, capitaine ordinaire pour le roi en la marine. Divisé en 2 livres, ou journal très fidèle des observations faites en découverture de la Nouvelle-France, tant à la description des terres, côtes, rivières, ports, havres, leur hauteur et plusieurs déclinaisons de la guide aimant, qu'en la créance des peuples, leurs superstitions, façon de vivre et de guerroyer, enrichi de quantités de figures, etc., à Paris, chez Jean Bergeon, rue Saint-Jean de Beauvais, au Cheval Volant et en sa boutique au Palais, à la Galerie des Prisonniers. 1613, avec privilège du roi. Le texte du récit est précédé d'une épître au roi, d'une autre à la reine, de stances adressées aux Français sur les voyages de Champlain, signées l'Ange Paris, et enfin, d'une ode à Champlain sur son livre et ses cartes marines, signées Motin. Le livre premier renferme les découvertes de Champlain le long des côtes de l'Acadie et de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à l'île de Martha's Vineyard. Le livre second nous fait connaître les voyages de Champlain à Québec en 1608, 1610 et 1611, c'est-à-dire ses premiers, deuxième et troisième voyages. Cette édition de 1603 est la plus utile comme la plus intéressante. On y trouve une inscription exacte des lieux que visita Champlain durant son séjour à Port-Royal et à Québec. 2 grandes cartes de la Nouvelle-France accompagnent le texte. Plusieurs petites y sont aussi annexées dans l'ordre suivant. 1. Le port de la Hève. 2. Le port Rossignol. 3. Le port aux Moutons. 4. Le port Royal. 5. Le port des Mines. 6. L'entrée de la rivière Saint-Jean. 7. L'île de Sainte-Croix. 8. L'habitation de Sainte-Croix. 9. L'entrée de la rivière Kennebecky. 10. L'entrée de la rivière Chouacouette. 11. Le port de Saint-Louis, Plymouth. 12. Le port de Malbar. 13. L'habitation de Port-Royal. 14. Le Beauport, Gloucester. 15. Le port Fortuné, Chatham. 16. Le port de Tadoussac. 17. Québec et Sarade. 18. L'habitation de Québec. 19. La bataille du lac Champlain. 20. Le fort des Iroquois assiégé. 21. Montréal et la place royale. Toutes ces cartes sont d'une précision étonnante pour l'époque et leur perfection dénote chez l'auteur des qualités cosmographiques d'une haute valeur. Il y a sans doute des inexactitudes, mais elles étaient inévitables dans un temps où les instruments pour calculer les latitudes et les longitudes étaient très imparfaits. En tout cas, Champlain est le premier qui a dressé une carte plus ou moins fidèle des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Quant à la Nouvelle-France, il eut certainement un devancier dans le Découvreur du Canada et dans plusieurs cosmographes du 16e siècle, mais aucun d'eux ne porta autant de précision et un aussi grand luxe de détails. Quatrième voyage du sieur de Champlain, capitaine ordinaire pour le roi en la marine et lieutenant de Monseigneur le prince de Condé en la Nouvelle-France, fait en l'année 1613. Ce voyage est précédé d'une lettre à Henri de Condé, premier pair de France, et accompagné d'une carte géographique faite en 1612 d'un grand format. Elle est très curieuse à étudier. On y voit se dessiner des figures d'animaux, de poissons curieux comme le cygnoc, des sauvages vêtus en guerriers, des cabanes sauvages, etc. Il y a là toute une étude géographique, zoologique et même botanique. Évidemment, le fondateur de Québec était versé dans toutes les branches des sciences naturelles. Le quatrième voyage de Champlain fut consacré à des découvertes vers la mer du Nord par la rivière des Outaouais. Il rebroussa chemin à l'île des Allumettes. La relation de ce voyage fait partie de ce qu'on est convenu d'appeler l'édition de 1613 et l'impression en fut faite en cette année-là, en même temps que les récits des premiers, deuxième et troisième voyages, lesquels réunis forment un gros volume de 325 pages, édition canadienne. Notes explicatives, note 10. Arrêtement des navires pour les Terre-Neuve et le Canada du port de Honfleur, 1605. 1615. 1605, le Catherine, Jeanne des Maisons. La Marie, 70 tonneaux, Jacques Cousin. La Suzanne, 100 tonneaux, Robert Delisle. L'Espérance, 80 tonneaux, Guillaume Goudard. Le Don de Dieu, 120 tonneaux, Henri Couillard. 1606. L'Espérance, 80 tonneaux, Jeanne des Maisons. Le Don de Dieu, Henri Couillard. Le Faucon, 70 tonneaux. Le Tessier, 100 tonneaux, Charles de Thieuville. L'Espérance, Guillaume Goubard. La Catherine, 80 tonneaux, Guillaume Prémort. Le Cerf-Volant, 100 tonneaux, Jeanne Poitvin. L'Espérance, Pierre Lampérière. La Marguerite. 1607. L'Espérance, Jeanne des Maisons. Le Don de Dieu, Guillaume Canané. Le Guillaume, Jeanne Lecordier. La Petite Lanterne, Guillaume Lecordier. L'Espérance, Guillaume d'Hier. La Marguerite, Henri Pinchon. Le Don de Dieu, Henri Couillard. L'Espérance, Guillaume Coubard. Le Tessier, Martin Frémont. 1608. Le Guillaume, 80 tonneaux, Jeanne Lecordier. Le Saint-Pierre, Pierre Aubert. Le Dauphin, 200 tonneaux, Thomas Jourdain. L'Amiral, 60 tonneaux, Emmanuel Lecoq. La Levrette, 60 tonneaux, Pierre de Chauvin. La Françoise, Guillaume Goubard. La Petite Lanterne, 60 tonneaux, Guillaume Lecordier. Le Don de Dieu, 120 tonneaux, Henri Couillard. La Françoise, 80 tonneaux, Jacques Boudin. Le Michel, 80 tonneaux, Pierre Le Taillois. Le Courageux, 40 tonneaux, Nicolas Hervé. Le Comte, 60 tonneaux, Sébastien Morin. Le Lévrier, 80 tonneaux, Nicolas Morin. Le Tessier, Michel Frémont. Le Tigre, Jeanne Lecordier. Le Guillaume, 60 tonneaux, Michel Canané. Le Don de Dieu, 80 tonneaux, Guillaume Canané. L'Espérance, 140 tonneaux, Guillaume d'Hier. Le Saint-Pierre, 60 tonneaux, Pierre Aubert. La Catherine, 60 tonneaux, Guillaume Prémort. Le Don de Dieu, Thibault le Chevalier. La Levrette, 100 tonneaux, Jacques le Lièvre, Nicolas Tuvache. Le Bienheureux, Pierre Lampérière, Michel Girard, M. Israël Bailleul. 1609. La Petite Lanterne, le Bienheureux, le Tigre, le Saint-Pierre, le Dauphin, la Nativité, le Guillaume, l'Espérance, le Cerf-Volant, Guillaume d'Hier, l'Amiral, Emmanuel Lecoq, le Don de Dieu, Henri Couillard, la Françoise, Jacques Boudin, le Saint-François, Robert Donne, Jacques Cousin, Guillaume Canané, Michel Girard, Jacques Coquin. 1610. Le Pierre, Pierre Aubert. L'Amiral, Emmanuel Lecoq. La Petite Lanterne, Guillaume Lecordier. Le François, Pierre de Boulay. Le Bienheureux, Pierre Lampérière. L'Aigle, Jeanne Lecordier. La Nativité, Guillaume Le Têtu, Guillaume Duglas, Guillaume Canané. le Dauphin, Pierre Gadois, le Don de Dieu, Henri Couillard, le Lion, le Cerf-Volant, Guillon d'Hier, le Don de Dieu, Jeufin Coquin, le Croissant, Pierre Belouse. 1611. L'Aigle, Pierre Berthelot, le Don de Dieu, Henri Couillard, la Françoise, Jacques Boudin, le Saint-Pierre, Pierre Aubert, le Loyal, Guillaume Duglas, la Petite Lanterne, Guillaume Lecordier, le Samson, Thomas Jourdain, le Don de Dieu, Guillaume Canané, la Lanterne, Emmanuel Lecoq, la Perle, Massé Christé, la Marie, Toussaint Des, le Cerf-Volant, Guillaume d'Hier, le Bienheureux, Pierre Lampérière, le Comte, Guillon des Îles, Guillaume Le Têtu, Jacques Cousin, Guillaume Girard, Jeanne Routier. 1612. Le Pierre, Guillaume Cousin, la Françoise, Jacques Boudin, Jeufin Coquin, Guillon des Îles, l'Amiral, François Degras, le Samson, Thomas Jourdain, le Cerf-Volant, Guillon d'Hier, le Mouton, Pierre Belouse, le Don de Dieu, Guillaume Canané, le Don de Dieu, Thibault le Chevalier, François Gravé, le Pierre, Pierre Aubert, la Françoise, Guillaume Deshaies, le Don de Dieu, Henri Couillard, la Petite Lanterne, Guillaume Lecordier, le Loyal, Guillaume Duglas, le Bienheureux, Pierre Lapeyrière, Guillaume Le Têtu, Jeanne Lecordier. 1613. Le Loyal, Guillaume Duglas, le Pierre, Guillaume Cousin, le Saint-Pierre, Jacques Aubert, la Françoise, Jacques Boudin, la Levrette, Jeanne Paulmier, le Saint-Pierre, Guillaume Jacques, le Jonas, Charles Fleury, le Mouton, le Cerf-Volant, l'Aigle, le Don de Dieu, le Bienvenu, Jacques Cousin, Michel Girard, Pierre Lampérière, Nicolas Aubert, Élie Belouse, Thibault le Chevalier, Guillaume le Têtu, François Gravé. 1614. Le Don de Dieu, Guillaume Canané, Robert Gravé, Guillon d'Hier. Le Bienvenu, Nicolas Aussou. Le Saint-Pierre, Guillaume Jacques. Le Loyal, Jeanne Canané. Le Mouton, Élie Belouse. Le Pierre, Guillaume Cousin. Le Jeanne, Guillaume Lemercier. Le Saint-Pierre, Jeanne Aubert. Le Loyal, Guillaume Duglas. La Trinité, Guillaume Le Têtu. La Petite Lanterne, Guillaume Lecordier. L'Espoir en Dieu, Nicolas Tuvache. 1615. Le Saint-Pierre, Guillaume Cousin. Le Mouton, 120 tonneaux, Guillaume Canané. La Marguerite, 100 tonneaux, Jacques Cousin. Le Saint-Martin. Le Don de Dieu, Henri Couillard. Le Loyal, 70 tonneaux, Guillaume Farid. L'Espoir en Dieu, Pierre Berthelot. Le Loyal, 60 tonneaux, Jeanne Canané. Le Bienvenu, Durand Ozoul. L'Aigle, Guillon d'Hier. Le Saint-Étienne, François Gravé. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les notes explicatives de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, l'histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, No Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.